confrontation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 137e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, salut, c'est Spike, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de suivre cette émission. Au programme cette semaine, il y aura pas mal de nouveautés, il y aura quelques exclusivités. Merci pour me suivre chaque semaine, merci aux radios qui diffusent. On commencera tout de suite avec Side View Mirror de Gaz Monet. C'est sur l'album Ain't No One to Stop My Run, sorti le 19 juillet 2016. On retrouve Cruise at Sunrise, Spanish Tangerine et The Story. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. On écoutera ensuite Vampire de Bloodfeast, c'est sur l'album Kill for Pleasure, leur deuxième album sorti le 13 février 1987. On retrouve Menacing Thunder, Cannibal et de Evil. On écoutera ensuite Dance With Me de Gregory Isaac, alors c'est à la base c'est un 45 tours de 1975. En face A, on a Dance With Me et en face B, Dance With Me dub. C'est un des pères du reggae. On écoutera ensuite une nouveauté, Swallow de Empty Heads, c'est sur leur premier EP 4 titres Empty Heads. On retrouve Swallow, Never Back Down, So Sad, Not Good to Marry. On les retrouve sur Facebook, YouTube et SoundCloud et bientôt sur les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. C'est sur l'album Appetite for Destruction, leur premier album sorti le 21 juillet 1987. On retrouve It's So Easy, Paradise City et Sweet Child O' Mine, un classique de chez Classic. Inside you mirror. Come on and rock with me now. Let me have this dance. Just give me a chance now. Won't you come on and dance with me? Hear me? 'Cause we were meant to be. So come on and dance with me. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Yeah. Vous êtes bien dans 137ème Vampire Afrique, c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Side View Mirror de Gaz Monet, Vampire de Bloodfist, Dance With Me de Grégory Isaac, Swallow le nouveau Empty Heads, et on a fini ce bloc en live avec Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. On continuera cette émission avec Mexican Cock de Butch Walker, c'est sur l'album Stay Gold, son 8ème album sorti le 6 août 2016. On retrouve Wider in the Heart, Irish Exit et A Record Store. On écoutera ensuite Serve de Servant de Nirvana, c'est sur l'album In Utero, leur 3ème et dernier album studio, qui est sorti le 21 septembre 1993. On retrouve Saintless Upon Trice, Hardship Box et Rape Me. Et on écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, Trimé de 16-4, c'est sur l'album Complètement Flippé qui sortira en fin novembre 2018. On retrouve Rock'n'Roll in USA, Drunk et Papa, une cover de Parabellum. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Everyman de Winston McAnuff. C'est sur l'album What the Man Deal With, sorti en 2006. On retrouve What a Man Saw, One Love, Jalove. What a Man Saw, c'est sorti en 1965. Et on finira ce bloc en live avec Sunday de Iggy Pop. C'est sur l'album Post-Pop Depression, son 17ème album studio sorti le 18 mars 2016. On retrouve Gardenia, Vulture et Chocolate Drops. She was 20, I was maybe half. Had a go-to, then a smoky laugh.

tu as de l'espoir. Une femme remplie tes devoirs. Mais t'es toujours aussi rose, mais tu ne sais pas toujours rose. Un matin au bureau de tabac, tu as fini comme ton papa. Ces fameux carreaux, ce jeu qu'on appelle le loto. Tu as la chance, t'as souri. Tu as gagné, alors plus de soucis. T'es riche comme un émirat, te voilà devenu le roi. Charité, ils t'ont demandé. Tu n'as même pas levé la main, tu les as laissés crever de faim. Un jour la mort s'est présentée, entourée de tous tes péchés. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Babylon, come down. I'll fire bombs and your pride, Vatican. is as slick as a senator's statement. This job is a masquerade of recreation. Like a wreck, I'm sinking fast. Again.

Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. planté ce bras moi. Il est parfait tien en 4 par 3. Aucune place pour le mystère. Je me réjouirai quand je serai sous terre. Pas de place pour les amis. Marche au pas et puis souris. N'aie pas peur dans le noir. Les monstres existent dans les histoires. Et les étoiles sont déjà terre. Désert culturel, devenu bien trop habituel. J'ai pivoté, j'ai pris l'élan. J'ai même abandonné le petit écran. On m'a dessiné un mouton. On m'a vraiment pris pour un con. Plus qu'une étape pour faire sauter la tête. Je vois le petit prince sur sa planète. Plus de place pour l'ennui. J'ai trouvé ma place au paradis. Je n'ai plus peur dans le noir. Les monstres m'aiment quitter mes cauchemars. Et les étoiles sont déjà terre. Hommage à nos rêves artificiels. Le marchand de sa mère de répoussière. L'envie à nos nuits qui désespèrent. Moi-même de ne pas se confier. Parle à mon petit frère si mon savoir peut lui apporter. Respecte ma soeur qui est une mère et qui a porté une nouvelle bouffée d'air pour nous redonner. Le coup de vos à nos tous, on a plein espoir pour les youths. On le vit au présent, mais tout l'avenir est à vous. Pour un combat coûte que coûte, apprendre à se serrer les coudes. Éliminer toute forme de doute, s'ouvrir les yeux et faire sa route. Maintenant je prends le temps de profiter de chaque instant, c'est trop important. Ça, quelles que soient les conditions, c'est le bon moment. Pour exprimer nos sentiments, c'est mon intention. J'en fais ma mission, laisser rouler. On sait que le meilleur arrive. La vie est pleine d'alternatives. Yo, on chante pour que ça nous motive. Laisser couler. Franchement, les fontaines, c'est de vivre pleinement une manière positive. Yo, pendant que la nature s'active, on sait que quand même faut faire attention. On n'est pas naïf, on se met en condition, yeah. On sait que quand même faut faire attention. On reste sincère, on tient nos positions, yeah. On tient bon quand même malgré la pression. On cherche l'amour et on cherche la passion, yeah. On tient bon quand même malgré la pression. Ouais. Vous savez pourquoi? Je peux citer plus d'une raison de pouvoir profiter. Pour ça pas besoin de saison, non. C'est ce que nous visons, yeah. résister, je vais persister, on va y arriver. Beaucoup plus qu'une vision, yeah, jusqu'à notre évasion. Laissez-nous rêver, on sait que le meilleur arrive. La vie est pleine d'alternatives, yo. On chante pour que ça nous motive. Laissez-nous rêver, franchement l'important c'est de vivre pleinement et de manière positive, yo. Pendant que la nature s'active. Personnellement, j'en apprends tellement de notre maman Africa. Conscient du changement, aujourd'hui fait entendre sa voix. N'attends pas sur l'état pour relancer le débat. Pas besoin de leur visa pour ce décollage immédiat. Quand on West Indies, non. Est-ce que j'ai profond mon île? Je sais quoi qu'on dise, non. Chez soi, on se sent tranquille. J'dépose mes valises, non. Dès que c'est loin de la ville, j'ai besoin de Zion, non. De ces bonnes vibrations, rien que pour ça. On essaye de partager, rien que pour ça. Je crois toujours en la solidarité, rien que pour ça. Je crois toujours en l'humanité, rien que pour ça. On n'a rien à perdre, tout à y gagner. Laissez rouler, on sait que le meilleur arrive. La vie est pleine d'alternatives, yo. On chante pour que ça nous motive. Laissez rouler. L'important c'est de vivre pleinement et de manière positive, yo. Pendant que la nature s'active, laissez rouler. Profitons de chaque instant, chaque moment. Life is so beautiful. Whoa, whoa. Vivement qu'il refasse un album le Yeni Sodwa, parce que c'est vraiment très bon. Vous êtes toujours dans la 137e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Tout oublié de Angèle featuring Romeo Elvis. En fait, Romeo Elvis c'est son frère en fait. On a eu ensuite Pixels de Megadeth. On a eu ensuite Derrière la Foudre, le nouveau Mass Hysteria. On a eu ensuite Petit Prince, de nouveau Immature. Et on a eu Laisser rouler avec Yeni Sodwa. On continuera cette émission avec Shadows. C'est une nouveauté, même une exclusivité de Kima sur leur premier EP Résiste, un EP 5 titres sorti le 11 mai 2018. On retrouve Faire Face, Résiste, Shadow, Vision et Plié. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Big Brother de nouveau Jim. C'est sur l'album Distorsion Cérébrale, pardon, son troisième album qui sortira le 30 novembre. On retrouve Ton Blues dans la peau, La Haine et Distorsion Cérébrale. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Ils sont sur le label Juste une trace. On continuera avec Camouflage de Berrurier Noir. C'est sur l'album Souvent Fauché, Toujours Marteau, leur quatrième album sorti en octobre 1989. On retrouve Deux Clowns, Jebel et Ainsi Squat-il, un grand classique du punk. On écoutera ensuite Leaking Stick de Desmond Dekker. C'est sur le Best of Trojan Record sorti en 2006. On retrouve Rudy Godsoul, King of Ska et Petit Africa notamment. Et on finira ce bloc en live avec Pile ou Face des Shérifs. C'est sur l'album Du Goudron et des Plumes sorti en 1991. On retrouve Arrête d'aboyer, Condamné à brûler et À la poubelle. Et il tourne encore. Moving in the dark. Vampire Freaks, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Je t'en prie, le train va débarquer. Je t'en prie. Vous êtes toujours dans la 57e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Shadows, le nouveau et même l'exclusivité de Kima. Big Brother, le nouveau Jim. D'ailleurs, le clip de Big Brother est visible sur YouTube. On a eu ensuite Camouflage de Berrurier Noir. On a eu ensuite Licking Stick de Desmond Dekker. Et on a fini ce bloc en live avec Pile ou Face des Shérifs. On continuera cette émission avec La Veuve Noire. C'est une nouveauté, même une exclusivité de Helios. C'est sur l'album Reconnexion, sorti le 27 septembre 2018. On retrouve un OTT, mais essentiel, et des mots qui ne viennent. Ensuite, on y retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite All Days de The Slakers, c'est sur l'album Wasted Days, sorti le 21 février 2001. On retrouve This Is The Night, 15 et Remember When. Il paraît qu'ils sont en studio. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite le grand classique Rainbow in the Dark de Dio. C'est sur l'album Holy Diver, sorti le 25 mai 1983. Il a été réédité en 2005 et en bonus, ils ont rajouté une interview de Ronnie James Dio. On retrouve Holy Diver, Invisible et Don't Talk to Stranger, du son cultissime. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même une exclusivité, ça c'est de la rigolade. C'est Jungle Fever de Wood Unit, c'est sur l'album Memory of Shithole, sorti le 29 octobre 2018. On retrouve The Price, Devil Blues et Because You're Mine. On les retrouve sur Facebook, Reverb Nation et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Electric Eye de Judas Priest. C'est sur l'album Screaming for Vengeance, leur 8e album sorti le 17 juillet 1982. On retrouve Riding the Wind, Brownstone et Devil Child, un classique de chez classiques presque culte. Quand de l'envie très ou pas. Je suis la maîtresse du monde en vivre, je suis l'homme, l'actrice de ton intrigue. Le bâtard. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. You know it always brings me down. On vient de s'écouter La Veuve Noire, la nouveauté et l'exclusivité de Helios, Old Days de Slakers, Like a Rainbow in the Dark de Dio. On a eu ensuite Jungle Fever, la nouveauté et l'exclusivité de Wood Unit, et on a fini ce bloc en live avec Electric Eye de Judas Priest. Cette 137e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez diffuser, ben contactez-moi. Pareil, si vous avez un pote ou qui bricole, contactez-moi. On finira cette émission avec Lolita Gomme de Jane B. Jane Birkin, quoi. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1975. On retrouve Bébé Song, si ça peut te consoler. Et Love for Sale, du son culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite et sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Il faut se retourner sur moi. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi. Elles reluquent mes chaussettes et ma jupe. Je les entends murmurer les drôles de mots comme pute. Lolita, Lolita, go home. Lolita, Lolita, go home. Lolita, Lolita. Lolita, go home.